Today is 16th of June, year 2016. So the second day of our retreat in Belgium, Sadamaransi Meditation Center. So yesterday we are talking about how to understand and how to try the Vipassana meditation. So meditation is Vipassana meditation to understand correctly about our life, our mental and physical phenomena. I think you all understood about what we are doing. Lorsqu'on pratique la méditation Vipassana, on le fait dans le but de comprendre correctement en quoi consiste la vie, en quoi consiste les phénomènes physiques et mentaux qui nous constituent. Je pense que vous avez tous compris. Développer ainsi la compréhension, les connaissances, c'est un travail très noble. Mais nous devrons travailler de façon respectueuse, diligente, en fournissant un gros effort. C'est à cette seule condition que nous pourrons réussir à comprendre la réalité. Ce n'est pas facile de comprendre la réalité. Il faudra travailler de façon systématique, comme l'ont fait tous les Bouddhas, les Arahants, tous les grands disciples. Ils ont tous réussi à comprendre que le monde est plein de souffrances. Ils ont réussi à voir comment il fallait s'y prendre pour être heureux dans la vie. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont réellement. Hier, je vous ai expliqué que c'est très difficile de comprendre la réalité ultime. Tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, nous vivons sur base de concepts. Chacun a les siens, mais les concepts, ce n'est pas vraiment la réalité. La réalité ultime, c'est quelque chose qui a ses propres caractéristiques. Elle ne peut pas être fausse, elle est toujours correcte. Et si vous pratiquez, vous allez pouvoir expérimenter cette réalité ultime et l'accepter. Une fois que vous aurez réussi à l'accepter, vous vivrez heureux et en paix. Il faudra donc se comprendre soi-même. Il faudra comprendre l'esprit, il faudra comprendre les formations mentales, il faudra comprendre les phénomènes physiques. Une fois que nous aurons compris tout cela à l'intérieur de nous, nous pourrons constater que c'est la même chose à l'extérieur. À l'extérieur, ce sont identiquement les mêmes phénomènes. C'est pourquoi il est important d'apprendre à s'observer soi-même. Hier, je vous ai expliqué comment il faut faire pour s'observer soi-même, pour observer les phénomènes à l'intérieur de soi. Il faudra tout d'abord développer la concentration. Cette concentration devra porter sur la réalité ultime. Et il faudra toujours rester dans l'instant présent. Nous allons donc nous étudier nous-mêmes. Nous allons étudier ce que nous avons en nous. Nous avons en nous l'esprit, les formations mentales, les phénomènes physiques. Nous allons donc observer et étudier ces choses. Nous le faisons dans le but de les comprendre correctement. En général, dans la vie de tous les jours, les gens ne comprennent pas ces choses correctement. Par la pratique de la méditation Vipassana, nous allons étudier la réalité, ce qui existe vraiment à l'intérieur de nous. Nous allons développer la compréhension, les connaissances Vipassana. Nous allons acquérir les vues justes et tout ceci nous sera très utile dans la vie de tous les jours. L'esprit oublie très vite. Il est très vite distrait. Il est souvent très agité. Il pense à toutes sortes de choses. La nature de l'esprit, c'est d'être toujours en quête d'un objet. Si nous ne donnons pas à cet esprit un objet approprié, il choisira n'importe quoi Il est donc nécessaire de donner à l'esprit un objet approprié. Hier, je vous ai expliqué qu'en posture assise, il y a quatre objets à donner à l'esprit. Le premier, ce sont les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il faudra essayer de maintenir l'esprit le plus longtemps possible sur ces mouvements. Ainsi, la concentration et l'attention vont se renforcer. Si nous ne réussissons pas à développer une forte concentration, la sagesse ne pourra pas se manifester. Nous ne réussirons pas à comprendre ces phénomènes. Plus la concentration se développe, plus on comprend. Les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sont toujours en nous puisque nous respirons toujours. Ils constituent donc un très bon objet d'observation. Nous pouvons observer ces deux mouvements assez longtemps. Parfois, nous pourrons constater que ces mouvements sont très subtils. Parfois, ils seront calmes, ils seront longs. Tout cela va changer. Mais nous ne devons pas essayer de contrôler ces mouvements de l'abdomen. Nous devons les observer tels qu'ils se manifestent naturellement. L'esprit doit pouvoir suivre les mouvements tels qu'ils se manifestent. Il pourra alors développer la compréhension de la véritable nature de ces phénomènes. C'était donc là le premier objet d'attention en posture assise. Le deuxième objet en posture assise, ce sont les douleurs, les sensations désagréables. Après une trentaine de minutes, vous allez probablement expérimenter des sensations désagréables. Vous pourrez constater là aussi que ces sensations changent constamment de forme. Parfois, elles s'intensifient, parfois elles diminuent d'intensité, parfois elles disparaissent. Tous ces changements vont rendre l'observation de ces sensations un petit peu difficile. Il n'est pas facile de développer la concentration lorsque l'objet change constamment. Mais dès que notre concentration aura atteint un bon niveau, cela deviendra facile d'observer ces choses, tout simplement parce que nous disposerons alors de la force de l'attention, de la force de la concentration et de la force de la sagesse. Nous pourrons voir en détail tout ce qui se passe en nous. Et ceci nous sera très bénéfique. Plus nous réussissons à maintenir notre esprit sur l'objet, plus la concentration et l'attention vont se développer. Plus l'attention et la concentration sont fortes, plus les objets nous apparaissent clairement. Nous comprenons en profondeur, nous voyons les objets tels qu'ils sont réellement. C'est une expérience tout à fait correcte et juste, très positive. Nous voyons directement par nous-mêmes ce qui se passe en nous. C'est une expérimentation par expérience directe. Ce sont les connaissances vipassana, la sagesse. Et pendant combien de temps devrons-nous rester ainsi, attentifs à tout ce qui se passe en nous? Il faudra le faire pendant toute la journée. Dès le matin, lorsqu'on se réveille, l'esprit ne doit pas s'autoriser à penser. Il doit suivre tout ce qui se passe dans le corps. Tous les mouvements, tout ce qui se passe en soi doit être observé, dès le matin tôt. Il faudra rester ainsi attentif du matin au soir. Même lorsqu'on ira se coucher, il faudra continuer à être attentif au moment où nous serons allongés sur notre lit. Il ne faut jamais relâcher l'attention. Si nous relâchons l'attention, ne fût-ce qu'un instant, l'agitation va s'introduire en nous. La concentration sera perturbée. En posture assise, on médite en général pendant une heure. Éventuellement, pour les méditants qui ont plus l'habitude, ils vont méditer pendant une heure et demie, parfois pendant deux heures. Il faut combiner l'assise et la marche. Si nous voulons progresser dans notre pratique de vipassana, il faudra fournir un gros effort. C'est un effort mental. Le fait de fournir cet effort mental va bien sûr nous fatiguer. Mais nous devons malgré tout fournir cet effort mental si nous voulons réussir à développer notre attention et notre concentration. Nous devrons toujours être attentifs. Si vous réussissez à maintenir votre attention, vous pourrez constater par vous-même que votre esprit devient calme. L'esprit qui au départ était agité va progressivement devenir contrôlé. Un esprit contrôlé est paisible et heureux. Mais cette paix et ce bonheur que vous allez expérimenter alors n'est pas à comparer avec les bonheurs ordinaires. C'est une paix qui s'enracine dans une satisfaction profonde de voir l'esprit contrôlé et calmé. Si vous pratiquez de façon ininterrompue, vous allez progresser, c'est certain. Vous devez essayer d'être toujours attentif. Après une heure en posture assise, vous allez passer à la posture debout et ensuite à la marche. Vous devez le faire avec attention. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être attentif au moment où vous vous levez de la posture assise pour passer à la posture debout et ensuite lorsque vous allez commencer à marcher. Vous devez faire tout cela avec beaucoup d'attention. Lorsque vous commencez la méditation en marche, vous devez être attentif au pas gauche puis au pas droit. Vous devez essayer d'observer sans interruption, de focaliser votre attention sur les pieds. Chaque fois que le pied gauche s'avance, vous devez en être conscient. Chaque fois que le pied droit s'avance, vous devez en être conscient. Vous allez faire cela pendant une heure. Après cette heure de marche, vous allez de nouveau revenir dans la salle de méditation pour pratiquer en posture assise. Là aussi, vous devez faire cela avec beaucoup d'attention. Vous vous comportez de façon très lente et composée afin de pouvoir être attentif sans interruption. Ainsi, vous alternez l'assise et la marche. Vous êtes attentif sans interruption et votre attention va se développer, votre concentration également. Votre esprit va devenir de plus en plus fort et puissant. Vous devez donc toujours être attentif à tout ce qui se passe en vous, à tous les mouvements que vous êtes amené à faire. Si vous réussissez à le faire, vous pourrez constater par vous-même que vous avez bien progressé. Après un ou deux jours de méditation, vous serez très satisfait de votre pratique. Lorsque vous pratiquez la marche attentive, vous allez focaliser votre esprit sur la jambe. Vous observez le mouvement tel qu'il se manifeste dans la jambe. C'est votre objet primaire d'attention. Vous allez pratiquer ainsi en observant attentivement. Parfois, vous devrez marcher un peu plus vite lorsque vous allez au réfectoire, par exemple, ou bien au début de la session de marche. Vous faites alors une note à chaque pas et vous étiquetez simplement pas gauche, pas droit. Il est très important d'étiqueter les phénomènes, car si vous n'étiquetez pas, vous ne réussirez pas à contrôler votre esprit. Lorsque vous étiquetez les phénomènes, que vous répétez mentalement pas gauche, lorsque vous ressentez le mouvement dans la jambe gauche, ou pas droit, lorsque vous ressentez le mouvement dans la jambe droite, vous prenez conscience en profondeur. Mais si vous n'étiquetez pas le phénomène, il y a beaucoup de chances que votre observation soit superficielle et que votre esprit s'envole. Après avoir pratiqué ainsi en faisant une note à chaque pas, vous allez tout naturellement passer à la deuxième méthode qui consiste à faire deux notes à chaque pas. Là, vous ralentissez l'allure de façon à pouvoir faire ces deux notes. Vous étiquetez deux mouvements et vous le faites sans interruption. Chaque fois que le pied s'élève, vous notez « levé ». Chaque fois qu'il s'abaisse, vous notez « placé ». Vous le faites avec beaucoup d'attention. Vous êtes toujours présent à ce que vous faites. Vous observez le mouvement au niveau du pied. Faites attention de synchroniser votre prise de conscience avec le mouvement. Parfois, vous pourrez constater que vous faites des erreurs. Vous dites par exemple « levé » alors que le pied s'abaisse. Ceci veut tout simplement dire que vous avez oublié d'être attentif. Il faut donc synchroniser l'esprit et le mouvement et le faire sans interruption. De cette façon, votre esprit sera contrôlé. Vous allez ensuite passer à la troisième méthode qui consiste à faire trois notes à chaque pas. Lorsque vous en serez arrivé là, vous allez observer très en détail. Vous pouvez le faire à l'intérieur, dans la salle de méditation par exemple. Vous observez de façon très pénétrante et en détail. Vous notez, levez, avancez, abaissez ou placez. Lorsque vous notez placez, vous allez ressentir la sensation de contact avec le sol. C'est cela placer. Vous faites cela au niveau du pied gauche et ensuite au niveau du pied droit. Lorsque vous observez ainsi très attentivement et que vous faites 3 notes à chaque pas, vous pourrez observer qu'au moment où vous levez le pied, le poids du corps se trouve entièrement à droite si c'est le pied gauche que vous levez. Vous allez ensuite avancer le pied. Le poids du corps est également sur un seul pied. Lorsque vous touchez, vous placez le pied sur le sol, le poids du corps est réparti sur les 2 pieds. Vous pouvez observer de cette façon. Ceci va vous permettre d'approfondir votre attention et votre concentration. Si vous voulez progresser, vous devrez ralentir tous vos mouvements. L'esprit est en effet très rapide. Si vous vous comportez comme vous avez l'habitude de le faire, rapidement, ce ne sera pas facile d'attraper les objets. Si donc vous voulez réussir à contrôler votre esprit, vous devez ralentir votre allure. Lorsque l'on se comporte de façon rapide, l'esprit oublie en général de noter. Il rate les objets, tout simplement parce que ces mouvements se font de façon automatique. L'esprit est habitué. Mais si vous ralentissez vos mouvements, l'esprit pourra attraper l'objet à l'instant précis où il se manifeste. Autre chose que le méditant doit savoir, c'est que lorsqu'il observe les phénomènes, il ne doit pas guider l'objet. L'esprit doit simplement suivre l'objet, l'observer tel qu'il se manifeste dans l'instant présent. Il ne doit pas chercher à contrôler cet objet. C'est l'esprit que nous essayons de contrôler, pas l'objet. Si nous réussissons à procéder de cette façon, à simplement suivre l'objet tel qu'il se manifeste dans l'instant présent, nous pourrons comprendre en profondeur cet objet. Il faudra donc toujours s'efforcer d'attraper l'objet et ensuite de l'étiqueter. Et il faudra faire cela sans interruption. Il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas penser, il ne faut pas analyser. À chaque instant, l'esprit doit être focalisé sur l'objet. Il est possible que si vous notez de façon continue et pénétrante, vous ayez parfois des expériences particulières. Si c'est le cas, vous devez continuer à noter, même si ces expériences vous semblent inhabituelles. Vous ne devez pas vous mettre à réfléchir à ces expériences, car si vous le faites, il y aura sans doute des doutes dans l'esprit, des questions. En conséquence, votre concentration va diminuer. Le seul devoir du méditant, c'est de noter sans interruption ce qui se manifeste naturellement, sans interpréter. Si vous réfléchissez aux expériences, à ce que vous expérimentez, vous allez casser votre concentration. Les phénomènes apparaissent d'eux-mêmes. Ce sont des mécanismes qui se produisent d'eux-mêmes automatiquement. Notre seul devoir à nous méditants, c'est de noter ce qui se manifeste dans l'instant présent. C'est notre seul devoir. Attraper l'objet et l'étiqueter. Et nous devons faire cela de façon continue. Si nous oublions un objet, si nous ratons un objet, et que l'esprit se met à réfléchir, qu'il oublie de noter tout simplement, la concentration sera cassée et les objets ne seront plus perçus clairement. Nous devons avoir confiance en nous. Les yogis qui pratiquent depuis un certain temps se disent parfois qu'ils ne progressent pas et ils se demandent pourquoi. C'est probablement parce qu'ils n'ont pas appliqué correctement les instructions. S'ils n'appliquent pas correctement les instructions, leur concentration ne va pas se développer et ils ne progresseront pas. Par contre, si le yogi suit les instructions, il va progresser, c'est certain. Le Dhamma est comparé à un médicament. Lorsqu'on reçoit une prescription du médecin, il faudra non seulement la lire, mais il faudra également prendre les médicaments qu'il a prescrits. Si nous omettons de prendre ces médicaments, nous ne pourrons pas guérir de notre maladie. C'est la même chose en méditation. Nous devons suivre les instructions du mieux que nous le pouvons. Bien sûr, au début, ce sera difficile parce que l'esprit est très agité. Il refuse de se soumettre à cette discipline. L'esprit n'aime pas être contrôlé. Sa nature, c'est de vagabonder librement. Mais ici, nous sommes venus pour développer la force de l'attention, de la concentration et de la sagesse. Nous devons donc accepter de faire cet effort, de réussir à contrôler notre esprit. Nous devons avoir confiance que c'est possible d'y arriver. Efforcez-vous donc de rester dans l'instant présent. Attrapez l'objet, étiquetez-le. Faites cela sans interruption. Essayez de le faire pendant 5 minutes, puis pendant 10 minutes, puis pendant 15 minutes. Plus vous maintiendrez votre attention dans l'instant présent, plus vous progresserez. Vous allez alors vous sentir satisfait de votre pratique. Vous devez essayer d'introduire en vous la confiance. Vous devez vous motiver vous-même, vous persuader qu'il est possible de progresser. Ralentissez tous vos mouvements, faites un effort ininterrompu. Nous sommes ici en retraite pour 2 semaines, ce n'est pas très long. Ne perdez donc pas votre temps. Utilisez chaque minute pour observer attentivement ce qui se passe en vous. Vous allez alors expérimenter la paix et vous pourrez vivre heureux. Enough here, wish you all, may you all be able to get correct way to reach to the final goal. Sadhu, sadhu, sadhu.